17h30 et comme chaque lundi dans ces heures-là, je retrouve Raymond Poirier pour sa chronique technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Tu n'es pas venu seul aujourd'hui puisque tu mets à l'honneur un invité qui va faire une conférence cette semaine à la bibliothèque Gabriel Leroy. Exactement, c'est une conférence qui sera présentée jeudi 19 novembre à 19h, entrée libre d'ailleurs, et qui s'intitule « Le web, lieu de création et de collaboration audio-numérique ». Donc, question d'explorer les possibilités du web autour des différents axes de la création, donc toutes les étapes. Et c'est une conférence qui va être offerte par Aaron Liu Rosenbaum, qui est professeur à la Faculté de musique de l'Université Laval, également directeur du certificat en création audio-numérique, et qui est avec nous au bout du fil. Monsieur Rosenbaum, bonjour. Bonjour. Et peut-être d'emblée, est-ce qu'on peut parler de l'Internet comme d'un lieu de réalisation artistique? Oui, effectivement, c'est une bonne question. On utilise le mot lieu toujours dans le sens métaphorique, mais effectivement, c'est un lieu pour les personnes qui créent ensemble en ligne. Et j'allais dire, en fait, c'est un lieu, j'imagine aussi, qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup transformé au fil des époques. Oui, c'est parce que l'infrastructure de l'Internet a changé au cours des années et ça permet maintenant un niveau de collaboration qui n'a pas été connu auparavant. On parle de quel degré de collaboration à peu près? C'est-à-dire que maintenant, on peut faire des choses qui n'étaient pas envisageables aux années passées. Par exemple, on peut créer de la musique, enregistrer de la musique avec des personnes dans très très loin, dans d'autres pays par exemple, en temps réel. Ce qu'on veut dire par ça, ça veut dire en même temps, ensemble, sans avoir des délais qui infiltrer les efforts à collaborer quand l'Internet a été un peu plus jeune. Donc, dans le fond, je peux être chez moi, dans mon salon, avec d'autres gens qui sont chez eux, dans des studios, si on peut dire, dans leur pays, et ensemble, simultanément, on peut créer une œuvre. Donc, on n'a pas besoin de chacun de s'échanger la piste pour y contribuer. Là, on le fait ensemble, en même temps. Exact. On peut se voir, on peut s'entendre, on peut vraiment jouer ensemble comme si on était dans le même studio. Mais effectivement, on est chez soi, donc c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment, et aussi ça commence à devenir de plus en plus commun dans les collaborations. On voit des albums qui sont créés par des personnes qui ne sont jamais rencontrées. Oui, j'ai d'ailleurs l'exemple d'une artiste qui avait enregistré une chanson avec Stevie Wonder et elle me disait « ça y est, je peux mourir tranquille ». Mais au moment où je l'ai interviewée, j'ai dit « est-ce que tu l'as déjà rencontrée ?» Elle m'a dit « non ». Jamais, on a tout fait à distance, il m'a juste envoyé sa partie et j'ai pu monter ma chanson comme ça. C'est Marie-Christine qu'on connaît à Québec qui a enregistré avec Stevie Wonder. Ça paraît complètement fou, mais grâce à Internet, voilà, ce genre de choses est possible, même avec les artistes qui semblent les plus inaccessibles finalement. Exact, et ça ouvre les portes aussi pour des personnes qui, par exemple, n'auraient pas les ressources pour aller en studio. On peut travailler à partir de son propre ordinateur et avec les ressources qui lui sont disponibles et essayer de se joindre à un groupe, peut-être avec des personnes avec plus d'expérience. Et ça permet des œuvres qui sont très, très intéressantes. Il y a parfois le mot « démocratiser », l'Internet qui démocratise la création. Je ne sais pas s'il s'agit d'un tel cas, mais c'est quelque chose que j'ai exploré. Et justement, Aaron Liu Rosenbaum, on parlait de l'évolution du web. J'imagine que du web 1.0, comme on dit, là, de celui de la fin des années 90, versus l'ère des médias sociaux, ce qu'on appelle le web 2.0, les modes aussi d'échange et les possibilités au niveau technologique, mais aussi au niveau des outils disponibles, des plateformes disponibles, ça a dû aussi exploser. Oui, effectivement. Et maintenant, on parle de web 3.0, ce qui est... un peu plus difficile de définir, mais il y a deux possibilités. On parle de l'Internet des objets, c'est-à-dire des objets réels, même si le mot ça devient de plus en plus difficile de définir aussi, mais des objets qui sont liés par l'information grâce au réseau de l'Internet. Et aussi, on parle d'un web 3.0 comme web sémantique, où tout le contenu du web est accessible aux... chercheurs automatisés, par exemple aux ordinateurs, aux algorithmes qui font des recherches pour les humains, justement pour pouvoir recueillir plus d'informations grâce au metadata qui est associé aux pages web. Oui, parce que j'imagine, en fait, il y a vraiment deux axes. C'est celui dont on discutait tantôt, qui est l'idée de la collaboration. Il y a aussi la notion de diffusion, donc diffuser autant de la musique à caractère patrimonial que des éléments très, très actuels, des créations récentes et le reste. Oui, même nos définitions de le patrimoine culturel intangible, ça change au cours des années. Mais il y a par exemple le logiciel Pro Tools qui est très connu, c'est un logiciel standard dans la création, réalisation du numérique, qui maintenant vous permet de télécharger vos fichiers directement sur SoundCloud, ce qui est une plateforme qui permet le partage des fichiers ainsi que les rétractions des visiteurs au site web. Donc tout est lié et tout va devenir de plus en plus relié comme ça. Est-ce qu'on a l'impression que le fait d'avoir accès rapidement comme ça aussi à une rétroaction de personnes intéressées par la musique qu'on propose, par la création qu'on propose, mais ça change aussi le mode de création ou la relation entre créateur et auditeur? Oui, c'est un excellent point. Ça change le format d'art, par exemple. Et là, on parle de l'interactivité, de vraie interactivité. Qu'est-ce que, par exemple, dans le passé, on a défini l'artiste comme la personne qui crée du son, une œuvre, du son. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire si la personne, grâce à un ordinateur, un algorithme qui fait peut-être 50% de l'œuvre, c'est où l'agentivité, c'est où la création, le partage au niveau de création? C'est difficile je vais utiliser un mot en anglais, pinpoint. C'est difficile de savoir exactement où se trouve la créativité parce que les humains et les ordinateurs partagent le rôle de créateur. Oui, dans le fond, dans la mesure où on peut altérer la musique, on peut la modifier, on peut créer des logiciels, on peut interagir avec des logiciels aussi au niveau musical qui eux aussi vont entre guillemets créer, etc. Oui, et aussi la ligne entre les spectateurs et les interprètes ou les performeurs, ça devient de plus en plus mince. C'est difficile de savoir, par exemple, dans le cas où on est dans un auditorium, on écoute une œuvre, mais on a des moyens pour changer, pour modifier la prestation grâce aux boutons interactifs, par exemple. On est capté par des capteurs de mouvement dans l'espace. Mais c'est une œuvre qui a été créée par un compositeur et il s'agit aussi d'un logiciel interactif. Mais si moi, je bouge tant que spectateur et ça fait changer le son, est-ce que moi, même aussi, est-ce que suis-je créateur dans ce processus? C'est une question intéressante. Et parallèlement, quand on parle aussi de diffusion, il y a, j'imagine, aussi les plateformes de vente, dans la mesure où je pense qu'on le voit assez rapidement dès l'arrivée de Napster, le potentiel du web pour changer la chaîne de valeur, si on peut dire, de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on peut acheter directement via des sites comme Bandcamp, où il y a de moins en moins, finalement, d'intermédiaires entre le musicien et son auditoire. Oui, c'est très intéressant parce que je viens de retourner d'une conférence aux États-Unis où on a parlé des ventes de disques compacts et de différents types de musique. Et effectivement, c'est en transformation maintenant. On ne pense pas autant comme des offres d'albums plus que des chansons individuelles qui sont vendues à travers peut-être à iTunes chez Apple ou d'autres sites web où on peut vendre une chanson. Ça change la chose, ça change la face de la musique comme chose commerciale. En même temps, ce qui est rigolo, c'est quand on y pense, il y a quoi, 70 ans, on achetait, ou 50 ans, je sais pas trop, mais on achetait des chansons aussi, c'était des singles qui étaient mises en vente d'abord et avant tout, avant que l'album fasse son apparition. C'est très drôle, en fait. Le plus ça change, plus ça reste le même, peut-être. Ça fait pas si longtemps, ça doit faire 20-25 ans qu'on avait les singles, ouais, Romain, justement. Oui, exact. Et de manière générale, en fait, qu'est-ce que vous faites ressortir? Ce serait un peu, quel serait votre réflexe de faire ressortir de tous ces éléments d'interactivité quand on parle de créativité en ligne? Là, quelques exemples de pistes de réflexion, peut-être? Pour moi, ça me fait repenser le mot créativité. Parce que on est on est accoutumé à avoir un modèle où il y a une personne qui est créateur et les autres qui consomment sa création, que ce soit l'art visuel, l'art audio. Mais de plus en plus, on peut constater que plus de personnes participent au processus de création. Et j'aime cet aspect de l'interactivité de l'Internet aujourd'hui. J'aime que ça nous pousse tous à créer, parce que je crois que c'est très, très important dans nos vies d'être créateurs, dans quelque manière. Donc, on revient un peu à la démocratisation dont on parlait au départ. Oui, effectivement. Et est-ce qu'on a l'impression que ça risque de devenir la tendance dominante de ce qu'on en voit et ce qu'on en perçoit aujourd'hui? J'ose dire que oui, parce que normalement, quand on a le goût de créer, c'est pas quelque chose qu'on laisse tomber après. Ça reste avec nous, parce que je crois que nous sommes tous créateurs fondamentalement. Et j'imagine que la clé, un peu, est aussi dans le développement technologique. Donc, plus on est capable d'avoir un Internet qui est rapide, plus les algorithmes évoluent, bien, plus les possibles vont s'élargir aussi, puis plus il y a des frontières qui vont se briser. Oui, ça soulève aussi la question d'accès aux ressources, qui est aussi important dans le domaine de la technologie des technologies musicales aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont moins d'accès aux ressources et celles qui ont plus d'accès, et c'est une question qu'il faut aborder. Et Aaron Leo Rosenbaum, quand on gratte un peu justement sur les possibles du web, quand on gratte un peu sur ce qui est disponible pour créer, est-ce que j'imagine qu'il y a beaucoup de logiciels, qu'il y a beaucoup de plateformes, qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont disponibles? Oui, il y en a plusieurs. Je peux faire mention de quelques maintenant, mais il y a des centaines de logiciels, j'imagine, même plus que ça. Il y a par exemple Home Studio, ce qui est une des premières plateformes pour créer en temps réel avec des personnes pour collaborer à distance. Il y a aussi Compose, Musique Collaboration. Il y a aussi des plateformes pour l'enseignement de la musique, par exemple Smart Music. C'est aussi une plateforme qui est là pour aider aux enseignants à customiser leurs leçons pour les étudiants dans le but d'améliorer les prestations. Est-ce que ce sont des plateformes coûteuses? Il y en a quelques-uns qui sont coûteuses, mais d'autres qui ne sont pas. Donc ça dépend, il y en a pour toutes les poches, tous les budgets. Oui, c'est vrai. Il faut rechercher un peu, mais moi, dans ma conférence, je vais partager plusieurs qui sont gratuits. Et justement, ce jeudi 19 novembre à la Bibliothèque Gabriel Leroy, à quoi s'attendre un peu de votre présentation? J'ai pas bien entendu la question. À quoi s'attendre un peu? Est-ce que c'est un peu tous ces éléments dont on a discuté que vous allez creuser, que vous allez explorer avec le public présent? Ah oui, absolument. Je vais couvrir les logiciels, un peu l'histoire de l'Internet, parce qu'il y en a qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas encore exactement de quoi il s'agit de l'Internet, comme des réseaux et des personnes. Au fond, je vais parler des logiciels et aussi des moyens de diffuser sa musique, parce que c'est quelque chose qui intéresse plutôt à mes étudiants et j'imagine aussi que d'autres personnes qui créent chez eux. Alors, c'est un rendez-vous. Donc, ce jeudi 19 novembre, je le rappelle, à 19h, ça s'appelle le Web, lieu de création et de collaboration audio numérique, pour avoir donc des clés et des outils, des propositions et des réflexions autour des possibles en lien avec la création et le web dans le domaine de la musique et de l'audio. Alors, Aaron Leo Rosenbaum, professeur à la Faculté de musique de l'Université Laval, directeur du certificat en création audio numérique, merci et à jeudi. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci Raymond Poirier, excuse-moi, pour sa chronique technologie d'information et nous avoir fait découvrir toutes ces possibilités sur le web pour tous les artistes qui nous écoutent. On sait qu'ils sont nombreux. Et si les gens veulent avoir plus d'informations sur la conférence, vous allez faire un tour sur itis.ulaval.ca. Merci encore Raymond. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Sans faute.